Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Classical Diz. Aujourd'hui, nous allons parler du groupe Jethrottle. Le nom de Jethrottle naît en 1967, mais le chanteur Ian Anderson est actif depuis le début des années 60 avec d'autres formations. Leur premier album s'intitule This Was et sort en 1968. À ce moment-là, Mick Abrahams s'occupe de la guitare, Cliff Bunker est à la batterie et Glenn Cornick joue la basse. Composition qui va rapidement changer avec l'arrivée du guitariste Martin Barr, qui lui ne quittera jamais le groupe. Le bassiste et le batteur, quant à eux, s'en iront au début des années 70. Jethrottle, c'est donc de la musique rock, teintée de folk et de blues, identifiable par l'omniprésence de la flûte envoûtante de Ian Anderson. Le tout offre une musique progressive. Cette flûte traversière, qui est leur marque de fabrique, donne des airs celtiques et médiévaux à leurs morceaux. Ian Anderson, prodigieux, joue de nombreux instruments, se démarque en concert notamment par sa position d'unijambiste, et fait de la flûte un véritable instrument de rock. Très actif jusque dans les années 90, on peut situer l'âge d'or de Jethrottle dans les années 70. Période du hard rock et de la prog, ce qui faisait les bonnes affaires du groupe. Retenez donc les albums Aqualung, Stand Up ou encore Songs from the Wood. Comme beaucoup d'autres, Jethrottle connaît un déclin dans les années 80 malgré l'adoption des synthés. Leur musique ne séduit plus, même avec la parution de 5 albums durant la décennie. Sur sa fin, le groupe privilégie les réédits, les compiles et les lives. Ian Anderson poursuivit une carrière solo bien remplie entre-temps. Mais un album du groupe est prévu pour cette année 2019. Peut-être s'en suivra une tournée, espérons. Jethrottle est donc un représentant majeur du rock progressif et du rock en général par son originalité, ses sonorités novatrices. Jugée parfois trop nasale, la voix de Ian Anderson est cependant très juste. Enfin, rendons hommage à quelques membres qui ont fait vivre Jethrottle. Jeffrey Hammord et Barrymore Barrow, respectivement le bassiste et le batteur des années 70, mais aussi John Evan et Andrew Gildings, tous deux claviéristes, présents des années aux côtés du groupe. Et enfin le bassiste Dave Pegg, membre de 79 à 95. Passons dès à présent au morceau coup de cœur, et avec pour commencer le titre Bourré, issu de l'excellent Stand Up. Bourré est un morceau uniquement instrumental doté d'une ligne de basse ultra groovy et de la flûte à la fois séduisante et super puissante. Notons qu'il s'agit à la base d'une musique du compositeur Bach. Ce n'est qu'une réinterprétation qui, entre nous, est mille fois meilleure. Il s'agit de Bourré. Mon second coup de cœur va me permettre de m'attarder sur l'album déjà cité et ô combien culte Aqualung, sorti en 1971, une des 7 merveilles du rock progressif. Même si Ian Anderson se démène à dire qu'il ne s'agit pas d'un album concept, les chansons sont bien liées par des thèmes tels que la religion, l'environnement ou encore la société. Leur patte artistique est très bien résumée dans ce disque, et ils prouvent qu'ils sont capables de créer des chefs-d'œuvre musicaux tels que le morceau titre ou encore Locomotive Breath, ce dernier étant mon second coup de cœur. S'il y a bien quelque chose à retenir de Locomotive Breath, c'est son solo de flûte. Jamais un solo de la sorte a été aussi jouissif et entraînant. On en vient à imiter un joueur de flûte pour quelques secondes. Bien sûr, l'intro au piano est tout aussi remarquable et le reste du morceau est génial. Il s'agit de Locomotive Breath. Je vous ai dit de retenir quelques albums auparavant, mais il y en a un que je n'ai pas évoqué et que j'ai gardé spécialement pour mon troisième coup de cœur. L'album s'intitule Thick as a Brick. Il date de 1972 et contient un seul morceau, divisé en deux, une partie pour la face A et l'autre pour la face B du vinyle. La première partie est mon coup de cœur car elle est magistrale, du début à la fin, et elle dure 23 minutes. Jamais un morceau aussi long ne m'avait convaincu du début à la fin. En général, il y a toujours des passages moins appréciables. Ici, que ce soit la féerie du début, le hard rock complètement fou qui suit, le solo à la flûte qui pèse, cet instrument c'est vraiment le patron du morceau. Les envolées de guitare qui dégagent ce qu'il y a de meilleur dans le rock prog, et enfin la dernière partie qui rappelle des airs folk marins. Un hymne que le groupe jouerait en chœur sur un bateau prêt à accoster. Bref, une ribambelle d'émotions et une composition sensationnelle. Écoutez Thick as a Brick. Je vous quitte avec le morceau le plus connu du groupe, encore à ce jour. Tout comme son album, il s'intitule Aqualung. Je vous souhaite une excellente écoute sur RJR et à la semaine prochaine. You poor old sod, you see it's turning.